Musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Donc il est 13h passé de 30 minutes, bienvenue à tous et à vous toutes, voilà l'émission comme tous les mardis après-midi jusqu'à 17h avec Music Dance tout simplement. Voilà, et puis juste un instant on a pu entendre en premier eh bien, le groupe Forest tout simplement, la Rose Music, et puis ben, je vous laisse tout simplement avec d'autres chansons différentes, et voici Corona qui suit derrière, et puis juste après Black Box.

matin, je beurre ses tartines. Étalage de confiture, je mets l'ambiance dans la cuisine. La journée commence en mesure, je lui fais la météo. L'horoscope, le flash info, sa matinale rien qu'à elle. Je suis un peu son Patrick Cohen, elle, je l'aime, elle. Comme un professionnel, elle, je l'aime, elle. J'ai fait profession d'elle, oh, oh, oh, elle, je l'aime, elle. Comme un professionnel, elle, je l'aime, elle. J'ai fait profession d'elle. Le midi, c'est aquagym. Je suis le seul mec dans la bassine qui accompagne sa copine. Et un, deux, trois, on se dandine. Puis on va se grignoter. Un wok légumes vitaminés. Un yaourt 0%. Je suis en régime permanent. Elle, je l'aime, elle. Comme un professionnel. Elle, je l'aime, elle. J'ai fait profession d'elle. Oh, oh, oh, elle, je l'aime, elle. Comme un professionnel. Elle, je l'aime, elle. J'ai fait profession d'elle. Le soir, je lui coule un bain. Bain moussant et sel marin. Et je fais des bulles dans l'eau. Ça lui fait la balnéo. Je lui allume la télé. Je fais semblant de m'extasier. Pour le très beau Dr House. Pour un peu, j'ai les seins qui poussent. La nuit avant de me coucher, je prends une douche à 100 degrés pour lui servir de bouillotte. Si jamais elle grelotte, je me mets dans un coin du lit, serré comme un ravioli. Quand elle me dit t'es endormie, je lui réponds elle, je l'aime, elle. Comme un professionnel, elle, je l'aime, elle. J'ai fait profession d'elle, oh, oh, oh, elle, je l'aime, elle. Comme un professionnel, elle, je l'aime, elle. J'ai fait profession d'elle. Et le lendemain matin, y a un mot sur le bureau de sa jolie écriture. Elle dit fin de l'aventure. Nous deux c'était CDD, tu peux aller te rhabiller. Je veux un mec, pas un toutou. T'es viré, un point, c'est tout. Come on, we know.

avec mes coups d'œil rétro. Je veux bien t'en donner ma parole, mais sur mon côté rock'n'roll. Elvis fait toujours des chefs-d'œuvre, garantis sur pièce et main d'œuvre. Y'a plus rien alors, je me console. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. hungry and the fusion low. Pull over for a while by a big shade tree. Check the oil and water, doing fine, I see. Well, let the dog go around to take off her boots. Get the portable cooker from the back of these. Throw on a few snackers and cook up a feed. Get the radio playing, turn up, it's Lee. Well, look out, boys, here they come. They got some touch of little cowgirls on the run. They're just popping through like they're Bundy rum. And they're not going home till they had some fun. We're about to dehydrate. Wander over to the bar where it's dark and cool. Have a couple of drinks and a game of pool. We better fill up the tank and have a look around. There's a nice little spot just out of town. Get the swag from the back and set them up for the Saturday night. So back to the pub. Well, look out, boys, here they come. They have some country loving cowgirls on the run. They're just passing through like they're Bundy Rum. And they're not going home till they had some fun. Guitars and the old banjo. Could you really think of a better thing than being out? love box does me fine. When we said goodbye, she went all whistle. For old lang syne, I knew she'd like to be. Mein Herz schlägt schlagen. avaient tous le cœur à aimer ou dormir. Mais moi je reste seul. Le jour se lève sur ma peine. Alors le monde entier fait l'amour. Mais ça n'a pas d'importance. Bientôt 5 heures, le soleil va briller sur la mer et les fleurs et sur l'éternité. Et moi je reste seul. Le jour se lève. Pas d'importance, car c'est pour toi que je danse. Il est bientôt 5 heures, le matin va venir. Il est bientôt 5 heures, vous allez tous voir. voici donc tout simplement, nous sommes déjà mardi, tout simplement. Et bien voici les programmations pour ce soir et ainsi pour demain, mercredi. Voilà donc en soirée, bien vous allez retrouver tout simplement à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe, l'émission Etric Choc. Et puis demain, à partir de 9h jusqu'à midi, avec vous allez retrouver Victor, tout simplement, avec Portugal en fait. Et puis dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h, Gloria avec musique de Gloria. Et puis juste après, entre 16h-17h, Zik d'ailleurs. Voilà, donc on continue toujours les chansons et retour avec une autre chanson différente. Le titre s'appelle « Parle à mon père ». Voici Céline Dion et puis suivi de Grégory Lemaire. Tout marche, ça. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol de Boïlan, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire et voir de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver la couleur du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor où l'air est pur, où je vous vois qui me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. les destins sont les mêmes, que tous les chemins nous ramènent à l'aube d'un nouveau départ. On n'apprend rien de nos erreurs, à moins de s'y brûler le cœur. Je suivrai les routes où l'on s'écarte. Comme on dresse un étendard, à corps perdu, vivre sans fin, pour n'être plus dans un espoir. Voici, je vous laisse avec un titre, une chanson de Zouk. Yeah. Voici donc trois titres portugais, on se retrouve juste après. Tu

bouche s'accélère, la vie c'est la galère pour les braves laritains. Tout le monde est bouche bée, en vrai personne n'est fatigué. Même si tu es vénère, pour toi c'est la misère, écoute c'est de même rite. C'est trop chic, je m'en fous, je veux kidnapper. Même si tes copines sont jalouses, puis je m'en fous, c'est ton bouche que je fais. Ton passe à bailler, je fais le travailler. Ton passe à bailler, il va me tuer. Ce soir, ton jaille, vas-y sur le bail. Ce soir, ton jaille, vas-y sur le bail. Ce soir, ton jaille. Dímelo mami, ya me acostumbré. Dale como reggaeton, acostumbré. Qué coloría, qué fantasía. Qué chévere esta música la mía. Alguien hay más, ven aquí a mí. Mueve tu cuerpo, tu anatomía. Se me retira trop de vous. La mer est chine, c'est le fuego. Évidemment, viens pour faire le show. Si tu peux te comprendre, suis-moi dans mon lit. Everybody, one step, check your body, one. ça abandonne. Oh, oh, oh. Messieurs les politicos, il y a mal donne. Hey, hey. Ici la jeunesse est en accord. Oh, oh, oh. Et elle en redemande encore et encore. C'est pour les woods, voyez les cales. Les VCBG, les miches pour les racailles. Tout le monde est en accord, ça pète le score. Les vrais sujets bye bye. Et même si ça leur fait mal, on continuera à être official. On a la boucle et le mental, c'est phénoménal. Everybody. Y en a pour tout le monde. Yeah. Ça danse en cadence, ça leur fait comme tout le monde. Balance-toi, c'est bon ça. Tout le monde. Ça danse en cadence, ça leur fait comme tout le monde. Balance-toi, c'est bon ça. Y en a pour tout le monde. Y en a pour tout le monde. What? Y en a pour tout.

c'est le fond de mon cœur. Dis-moi fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, e cantare, oh. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veletto rapito, e incominciavo a volare nel cielo infinito. Dipinto di blu, e chi dice di stare lassù? E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Happy heart sings, your love has given me wings. Nel blu, dipinto di blu, venite di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu. Making love to Voilà, après le crooner, voici la Zumba. Suite des émissions pour le mercredi soir et ainsi que pour le jeudi matin. Voilà, donc eh bien, vous allez retrouver tout simplement à partir de 18h jusqu'à 19h30 avec Violette, ses émissions traditionnelles, et puis juste après avec Christina pour l'émission tout simplement pour fleurs de fourrure entre 19h30 jusqu'à 21h. Et puis le jeudi matin, eh bien, vous allez retrouver à partir de 9h jusqu'à midi, tout simplement, avec Armé et Giro, tout simplement, Vase Portugal. Mmh. Voici, ben, je vous laisse avec le titre de la chanson, s'appelle Le Bonheur, et c'est avec Just Jonathan, et puis suivi de Crazy, avec tout simplement, le titre s'appelle Tomber le cœur. Assis pieds sous terre dans les caves de ma ville. Tellement

Voici collectif métissé. Y'a plus qu'à danser quand les filles sont sexy. Elles viennent nous en... Y'a plus qu'à danser. Mais y'a plus qu'à danser quand les filles sont sexy. Elles viennent nous ambiancer. Il faut bouger. Aqui na pista, na Pierre Rodríguez para ti. ¡Tacata! ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacata, bro! Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Que se hasta cayó, que basta ya. Despierta muchacho, llegó el tacatá. Que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperado. Invento una cosa nueva, la hao. Que hago con amor para todas las nenas. Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás muchachitos te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela. Tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacata, tacata. Tacata, bro. Simplement Charles Delouis, Soca Dance, voici Lou Yana. It's another one.

Cette chanson qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver prochaine fois, donc on se retrouve eh bien mardi prochain mais aussi vendredi prochain. Voilà, donc il est temps de passer bonne fin d'après-midi tout simplement, et je vous dis bonsoir à tous, à vous toutes.